Encore si ça avait été 2 kilomètres de marche à pied, j'aurais fait mon footing pour te retrouver. Et s'il y en avait eu 10, mon vélo est gonflé. Le matin j'aurais pris la route et le soir je serais rentré. Mais combien de déserts nous séparent aujourd'hui? Combien d'astres solaires depuis que tu es parti? Mais combien de déserts nous séparent aujourd'hui? Combien d'années-lumière depuis que tu es parti? Encore si ça avait été 40 km de marche à pied, nous en aurions fait 20 chacun pour nous retrouver. Et s'il y en avait eu 300, l'amour n'a pas de prix. J'aurais pris le TGV ou voyagé de nuit. Mais combien de montées nous séparent aujourd'hui? Combien de champs de blé depuis que tu es parti? Mais combien de montées nous séparent aujourd'hui? Combien de champs de blé depuis que tu es parti? Encore si ça avait été 1000 km de marche à pied, je sais bien que ça use, mais j'aurais nagé. Et s'il y avait eu 6000, oui, j'aurais cassé ma tirelire pour prendre l'avion jusqu'à toi et ne plus jamais repartir. Mais combien de tours Eiffel faudrait-il empiler pour aller jusqu'où? Je ne sais même pas où tu es. Mais combien de tours Eiffel faudrait-il empiler pour aller jusqu'où? Je ne sais même pas où tu es. Mais combien de pieds sous terre faudrait-il creuser? À combien de lieues sous les mers faudrait-il plonger? La, la,